Allez, une petite question, mon cher Thomas. Au Raoul. Ah. Raoul, qui a dit « c'est quand même besogneux, là ». C'est quoi, ce merdier ? La stratégie de Domenech, j'ai pas encore bien senti. Domenech, c'est qui ? C'est pas un type qui fait du football ? Ça, c'est vraiment à lui qu'il faut poser la question. Non, c'est la chanson de Sœur Sourire. Non, Domenech, c'est l'entraîneur de l'équipe de France. Un type un peu blanc de cheveux, là, c'est ça ? Oui. Eh bien, écoutez, je voulais que je vous dise, je m'en fous complètement. Ça ne m'étonne pas, c'est pas à vous qui va lui poser la question, c'est sûr. Non, c'est pas Sarkozy. Un des joueurs, non ? Non. C'est pas un joueur, c'est politique. Amayad. Non, c'est l'autre. C'est Bachelot. Boutin. Oui, Roselyne Bachelot, bravo Catherine. Ils vont la mettre au goal avant la fin du mondial, vous allez voir. Éric de Starck. Oui, ma chère petite puce. Oh. J'ai testé. J'ai testé pour vous le mondial de foot ce lundi 14 juin. Pour les comédiens de théâtre, le mondial de foot, c'est le bonheur intégral.